Génétique production. On est d'accord avec nous? Ok. Je pense que y a beaucoup de beatmakers qui ont du souci à se faire. Franchement. Personnellement, t'as fait parce que là, je suis en train de kicker sur une prod à SHD. Je t'arrête de circuler dans le cordon ombilical. Une nouvelle stimulation qui nous oppose la part des génitales. J'ai mis 4 claques, donc 4 fois par an. La musique, c'est génétique. Faut que tu demandes à nos parents. Je t'arrête de circuler dans le cordon ombilical. Une nouvelle stimulation qui nous oppose la part des génitales. J'ai mis 4 claques, donc 4 fois par an. La musique, c'est génétique. Faut que tu demandes à nos parents. S-A-N-C-H-O. Oui, c'est moi-même pour te dire que j'ai cappuccino et que SHD, c'est ma crème. J'abonne. Imbrossé à ma voix, j'rappe comme dans un bro, c'est ma jaboie. Se flatte pas, mes styles pour qu'on sait pas quoi. On me demande souvent plusieurs styles, donc j'commence par quoi. Ça sort comme ça vient et non sur rendez-vous. Ton ordonnance, j'la déchire, j'préfère manger des cailloux. Plus on travaille, plus on améliorera notre précision. Plus de points où j'arrive à se placer pile au milieu de ton front. J'attends pas comment porte la clé de la réussite sur un plateau. J'vais être mon propre serrurier, équipé de suisse couteau. Tu y joues si tu sur un endroit alors que le monde tourne à l'envers. J'vais tourner à l'envers en restant droit, préparant ma bombe nucléaire. Un détachement entre l'homme et ses gènes jamais vu par la science. Alors au lieu de fuir, je vais me servir de ma foi comme tu ne lances. Je t'arrive qui circulait dans le cordon ombilical. Une nouvelle stimulation qui nous oppose la part des génitales. J'ai mis 4 claques, donc 4 fois par an. La musique c'est génétique, faut que tu demandes à nos parents. Je t'arrive qui circulait dans le cordon ombilical. Une nouvelle stimulation qui nous oppose la part des génitales. J'ai mis 4 claques, donc 4 fois par an. La musique c'est génétique, faut que tu demandes à nos parents. Génétique production. Entre parenthèses, SHD. Tes lunettes sont pas compatibles, c'est plus que de la 3D. Défie pas sa corpulence, elle est terreur, c'est lâche comme Google. Les autres ont du souci à faire, ils sont tombés sur un immeuble. En sachant qu'il a peine soufflé ses 18 bougies. La valeur de ton talent dépasse de loin le salaire d'Angelina Jolie. Il a une écoute que personne arrivera à suivre. C'est comme un ivre au volant que t'as du mal à retenir. Pour vous les piratables, laisse pour lui un jeu d'enfant. Genre comme dans Nokia 3310, le jeu du serpent. Il n'a pas claqué des doigts pour unir cette boule de cristal. Pour avoir un potentiel qui dépasse le ciel pour s'installer sur une étoile. Il a stoppé la plume pour donner à ses billes des plus beaux plumages. Pour que de la terre ferme on l'a dit. Passer devant les nuages, un message aux ondes de la nuit. Augmente ta force pour augmenter les degrés de mensonge. Je t'arrête qui circulait dans le cordon ombilical. Une nouvelle stimulation qui nous oppose la part des génitales. J'ai mis 4 claques donc 4 fois par an. La musique c'est génétique, faut que tu demandes à nos parents. Je t'arrête qui circulait dans le cordon ombilical. Une nouvelle stimulation qui nous oppose la part des génitales. J'ai mis 4 claques donc 4 fois par an. La musique c'est génétique, faut que tu demandes à nos parents. Que de la rythmique est circulée dans le cordon ombilical. Une nouvelle stimulation qui nous oppose la part des génitales. J'ai mis 4 claques donc 4 fois par an. La musique c'est génétique, faut que tu demandes à nos parents. Que de la rythmique est circulée dans le cordon ombilical. Une nouvelle stimulation qui nous oppose la part des génitales. J'ai mis 4 claques donc 4 fois par an. La musique c'est génétique, faut que tu demandes à nos parents. La musique c'est génétique, faut que tu demandes à mes parents. La musique c'est génétique, faut que tu demandes à mes parents. La musique c'est génétique, faut que tu demandes à mes parents.